Merci d'être à l'écoute de Réunion Première. Il est 10h dans une poignée de secondes. L'information avec France Info. Belle journée. Une nouvelle fois scandée aujourd'hui partout en France. Journée de mobilisation à Nantes, notamment, on craint des débordements. Plus d'un mois après la bagarre à Cisco en Corse, le procès doit s'ouvrir cet après-midi à Bastia, mais il pourrait être dépaysé pour éviter les tensions. Hillary Clinton va-t-elle réussir à tourner la page de sa pneumonie ? Aux États-Unis, la candidate démocrate reprend sa campagne aujourd'hui. Et puis l'humour noir si particulier de Cabu est à nouveau dans les librairies aujourd'hui, dans un livre hommage. France Info. Les porte-voix, une nouvelle fois donc de sortie aujourd'hui. C'est une journée d'action contre la loi travail. Une centaine de manifestations sont prévues un peu partout en France. Et dans certaines villes, on craint des débordements comme à Nantes. Grégoire Lecalot, bonjour. Vous êtes en plein centre, place Bouffay, et certains commerces se sont carrément barricadés. Oui, effectivement, la place du Bouffay ne reflète pas vraiment la joie de vivre et l'insouciance. Cette inquiétude dont vous parlez, c'est ici qu'elle se voit le plus, tout simplement parce que deux grandes banques flanquent cette belle place avec ses immeubles classiques et elles sont retranchées derrière des bardages de bois qui laissent penser qu'elles sont fermées ou en travaux, ce qui n'est pas le cas. Il faut le souligner, Nantes n'est pas transformée en Fortin ce matin. L'immense majorité des commerces fonctionnent avec leurs vitrines habituelles. Seules les banques et les mutuelles ont fait largement ce choix de se protéger. On voit aussi quelques panneaux sur des supermarchés ou des grandes enseignes qui n'ont en fait pas remplacé leurs vitres depuis le printemps dernier en attendant que ça se termine. Pour l'instant, 2 heures avant la manif, il n'y a pas de trace du dispositif policier ni des manifestants. Mais tout à l'heure, évidemment, le centre-ville retiendra son souffle. À Nantes, Grégoire Lecalot, France Info. Merci beaucoup Grégoire. Une journée d'action dans la rue, c'est a priori la dernière fois, disent les syndicats, avant une bataille plus juridique contre ce texte définitivement adopté par le Parlement cet été. Mais les opposants sont toujours motivés, à l'image de cet étudiant, président de l'UNEF, le syndicat étudiant à Rouen, Gabriel Milès. Il s'agit d'un triple coup de force avec 3 fois l'usage du 49-3. Sans réel débat démocratique. Notre rôle, c'est de rappeler au gouvernement qu'on est toujours mobilisé pour lui demander l'abrogation de la loi travail, et je pense que ça serait une réussite. L'usage du 49-3 au mois de juillet, tous les travailleurs, les étudiants ont bien conscience de ça, et même en discutant avec eux sur le campus, on peut remarquer qu'ils se sont toujours mobilisés pour l'abrogation de cette loi. On est des travailleurs en formation, déjà qu'on est à une précarité très importante au niveau de l'université. La loi travail nous offre un avenir de précarité, et cet avenir de précarité, on le refuse. Les étudiants ont bien conscience que leurs conditions de travail vont être énormément détériorées suite à la loi travail. Gabriel Milès, le président du syndicat étudiant UNEF à Rouen. À Belfort, cette journée d'action est tout entière tournée vers Alstom. Les salariés se mobilisent contre le transfert de leur usine en Alsace. 400 emplois sont concernés. Hier soir, le conseil municipal a voté une motion à l'unanimité pour le maintien du site historique dans la ville. De nouveaux coups de feu à Échirolles, près de Grenoble. Cette nuit, un homme de 25 ans a été visé. Selon nos confrères de France Bleu Isère, il n'est pas blessé. Mais les incidents de ce type s'accumulent ces derniers jours. Le maire d'Échirolles, élu communiste, lance un appel à l'État. Le procès s'annonce très médiatique, celui des acteurs de la bagarre à Cisco en Corse. C'était en plein milieu du mois d'août. Il doit s'ouvrir cet après-midi à Bastia, 5 hommes comparaissent. Mais l'affaire pourrait être dépaysée, c'est-à-dire jugée hors de Corse et de ses tensions. Car plus d'un mois après les faits, il y a encore beaucoup de rivalités dans le village. Abdellah Keldressi. Sur le parking de la crique de Cisco, il ne reste plus que des morceaux calcinés des voitures brûlées lors de la rixe. Mais au village, l'épisode a laissé d'autres traces chez les habitants. Patricia et Huguette en veulent beaucoup, par exemple aux médias qui auraient, selon elles, fait passer ce fait divers pour du racisme. C'est pas une communauté qui est visée, c'est simplement des racailles. Et comme tous parents, ils ont voulu défendre leurs enfants et ils ont bien fait. Pendant 15 jours, on a fait la une du monde entier. Alors maintenant, ça suffit, on en a marre. D'ailleurs, j'avais pas envie de vous parler, voilà. De la colère donc, mais aussi de la peur, c'est ce qu'explique le maire de la commune, Pierre-Ange Vivoni. Les parents d'élèves ne cessent que de monter me voir, ils veulent des hommes en armes devant le groupe scolaire. Voilà, les gens ont peur, ou tout au moins ont des craintes pour leurs enfants. Des craintes, des peurs vis-à-vis de quoi ? De représailles, c'est tout simple, parce qu'il faut appeler un chat, parce qu'on ne pense pas que ce soit le Maghrébin ni d'ici, mais ils peuvent venir d'ailleurs. On ne sait jamais ce qui peut s'arriver, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est en état de guerre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République. Malgré la peur, les villageois de Cisco ont décidé de se rendre en nombre devant le palais de justice de Bastia pour soutenir l'employé communal et le boulanger du village, tous deux poursuivis pour violence en réunion aggravée. Les orages ont fait pas mal de dégâts en France. 7000 foyers sont encore sans électricité ce matin, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Il n'y a plus de département en vigilance orange. Il est 8h05 sur France Info. Retour au travail pour Hillary Clinton. La candidate démocrate à la Maison-Blanche reprend sa campagne électorale aujourd'hui après sa pneumonie. Son état de santé est devenu un véritable enjeu aux États-Unis. Le médecin d'Hillary Clinton publie une lettre détaillée et affirme qu'elle est en bonne santé et apte à être présidente. Frédéric Carbone. Hillary Clinton est une candidate disciplinée qui fait les choses dans l'ordre. Avant de repartir en campagne, elle publie donc son bulletin de santé, pneumonie légère et non contagieuse, écrit son médecin dans une lettre de 2 pages où l'on apprend qu'en 2016, Hillary Clinton a aussi eu une sinusite, mais qu'elle reste totalement apte au service de président. Message, on passe à autre chose, on ne va pas faire une campagne sous ordonnance. C'est ce qu'affirme Chris Garb, élu démocrate de Pennsylvanie. Everyone gets sick. Une maladie, ça arrive à tout le monde. Je n'ai aucune inquiétude pour elle. En revanche, la santé mentale de Donald Trump m'inquiète beaucoup. Le candidat républicain ne répond pas à ce genre d'attaque. Il se contente de mettre en scène sa forme physique. Depuis le malaise d'Hillary Clinton, il ne s'en prend plus au manque de résistance de son adversaire, mais il sera ce soir sur Fox News pour montrer son éclatante santé. Le voilà donc face au très médiatique Dr Oz, avec lui aussi 2 pages de résultats d'examen, une bande-annonce avant l'émission, mais Donald Trump a déjà brisé le suspense. Je n'aurais jamais fait ces examens si je n'avais pas été sûr du résultat. Washington, Frédéric Carbone, France Info. Un nouveau livre consacré au dessinateur Cabu paraît aujourd'hui. Son titre, Cabu s'est échappé. Les dessins ont été sélectionnés par les proches du caricaturiste mort dans les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015. Gilbert Chevalier. C'est donc un livre hommage, mais pas seulement. Dans le lot de cette sélection de dessins, certains sont encore et étonnamment d'actualité, même si Cabu les avait proposés pour illustrer celles des années 70. Rhys, le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo. C'est vrai qu'on voit qu'il y a des choses qui reviennent, malheureusement, quand on voit les dessins que Cabu faisait dans les années 70 sur les boat people qui venaient du Vietnam. On ne peut pas s'empêcher de penser à tous ces navires, tous ces bateaux qui traversent la Méditerranée. C'est exactement les mêmes drames. L'humour noir de Cabu était irrespectueux, très irrespectueux, avec toujours le même esprit critique dirigé contre les religions, l'armée, les hommes politiques, les jeunes, les vieux et d'autres encore. Et à la vue de certains de ses dessins des années 70-80, on imagine même une époque plus permissive, au moins sur ce terrain de la liberté d'expression. Mais je ne suis pas sûr, quand je discute avec Cabu de cette époque-là, qu'à l'époque c'était forcément mieux reçu que maintenant. Je pense qu'on idéalise un peu les années 70, on pense qu'il y avait plus de liberté. Ces libertés, à Charlie Hebdo ou à Harakiri, ils les ont prises. Et il y avait aussi des polémiques, et ils avaient aussi énormément de procès. Donc il ne faut pas croire que toute la France adhérait à cet humour-là à cette époque. Ce n'était pas vrai non plus. Hein. Cabu s'est échappé. C'est au total 1 millier de dessins dont certains n'avaient jamais été publiés. Et parution donc aujourd'hui aux éditions Les Échappés. Un mot de foot et Lyon démarre fort pour sa rentrée européenne. Victoire 3-0 face au Dynamo Zagreb hier en Ligue des Champions. Ça passe aussi pour Monaco. Très jolie prestation face à Tottenham. Succès 2-1. Ce soir, place à l'Europa League. Saint-Etienne joue sur la pelouse des Allemands de Mayence et Nice reçoit Schalke. Noémie Bonin pour les infos, merci beaucoup à tous. Bonsoir à tous, vous écoutez Réunion Première, il est 10h08. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Il fait beau, il fait froid dans certaines régions, l'hiver n'est pas près de nous quitter, si le vent a baissé en intensité, il reviendra en force d'ici samedi. Et puis alors, pour l'après-midi, la météo nous annonce plutôt des nuages qui seront dans les plaines, entre la Grande Chaloupe et Saint-Benoît. Beau temps sur les plages, et que dire du volcan? Oui, allez-y, profitez surtout de ce beau temps. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Réunion Première fait appel ce matin à une équipe d'experts pour répondre à toutes vos questions sur le diabète. Infirmières, diététiciennes, éducateurs sportifs, responsables d'associations sont prêts à vous entendre au 02 62 99 2000. Quelle alimentation pour le diabétique? Comment préserver au mieux sa santé? Quelle activité physique pour le malade diabétique? Comment contrôler son taux de sucre? Et puis quelles sont les précautions à prendre, surtout quand on est touché par la maladie? Et si vous avez besoin de conseils, qu'est-ce que vous aimeriez surtout savoir sur cette maladie qu'est le diabète? Êtes-vous au courant qu'elle touche de plus en plus de Réunionnais? On en parle jusqu'à 11h30 sur la première avec les experts. Un seul numéro de téléphone, le 02 62 99 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Et vous pouvez aussi réagir par SMS au 06 92 70 2000. 06 92 70 2000. Michel Adélaïde sur la première. Ce matin, arrête avec sa gâtée. T'as l'air, ça va mal aller. Qu'un pédiatre, rien. Tous les jours, moi-même, je devant tuer. Pour ça, il fait qu'on y fait. Tu connais mi ta patouée. A chaque fois, quand tu commences à cogner, mon tête qui commence à chauffer. On peut aller dans le chemin. N'a des fois, je crois t'as fini d'oublier. J'ai tout chine à de mon nakaze. Mon femme, ça l'est bien ça. Un femme comment tu es, moi jamais trouvé. Te l'es pas mauvais, mais tu aimes grogner pour la vérité. Tu parles pas pour gâter. Si tu grognes pas du tout, c'est que les malades, tu fais crier à moi, tu embrasses à moi, et tu dis à moi, même ton mari gâté. Moi jamais trouvé, tu n'es pas mauvais, mais tu aimes grogner pour la vérité, puis parler pas vrai gâté. Si tu grognes pas du tout, c'est que les malades, tu fais crier à moi, tu embrasses à moi, et tu dis à moi même ton mari gâté. Mon madame, il aime pas qu'on me rase, il gagne pas aussi de bataille, mais faut pas monter son colère. Midiaou, m'y regarde pas du tout, de mon ego de chez nous, tout cela moi m'y en fous. Mon madame, Nena n'a peut-être raison, dispute tout son affaire, tu n'es pas personne n'y touche. N'a des fois, les raisons comme un enfant, mais souvent lui va avoir raison, m'y aime bien son petit façon. Un femme comment tu es, moi jamais trouvé, tu n'es pas mauvais, mais tu aimes grogner pour la vérité, lui parler pas vrai gâté. Si tu grognes pas du tout, c'est que les malades, tu fais crier à moi, tu embrasses à moi, et tu dis à moi même ton mari gâté. Un femme comment tu es, moi jamais trouvé, tu n'es pas mauvais, mais tu aimes grogner pour la vérité, tu parles pas vrai gâté. Souvenir sur la première avec Michel Adélaïde. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Les experts sont avec nous dans ce studio jusqu'à 11h30 sur la première. Nous accueillons Diane Bayeux, diététicienne, et puis également Véronique Christiane, infirmière, Bruno Turpin, éducateur sportif, et Maëlys Alberto de l'association Diabète Nutrition 974. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être là pour répondre aux questions des auditeurs de Réunion Première. Diane Bayeux, le malade diabétique, s'il vous plaît, doit-il faire disparaître pour toujours le sucre? Alors c'est ce qu'on disait effectivement jusqu'à il y a quelques années, mais on se rend compte que le sucre, ça fait partie des plaisirs de l'alimentation. Et chez la personne diabétique, maintenant ce qu'on recommande davantage, c'est de contrôler les apports en sucre, c'est-à-dire comme votre beau gâteau au chocolat d'hier, pas en manger tous les jours et d'avoir des quantités assez raisonnables, mais on le supprime plus de l'alimentation. Ce qui est très important quand on consomme des produits sucrés quand on est diabétique, c'est de les manger au cours d'un repas et jamais tout seul. Alors Bruno Turpin, éducateur sportif, le malade diabétique a-t-il le droit de courir? Alors bien sûr, la personne diabétique a le droit de courir. De marcher. De marcher également. De faire des randonnées. De faire des randonnées. De jardiner. Aussi. De jardiner. De promener son chien. De promener son chien. De faire l'activité physique. En fait, vous pose ces questions, je vous taquine, c'est parce que le malade diabétique, il peut bien au contraire continuer à faire son activité physique. Bien sûr, c'est conseillé donc pour la personne diabétique et même non diabétique, donc de pratiquer une activité physique, que ce soit de courir, de marcher, de faire son, donc, de faire le ménage, le jardin, etc. Donc tout ça, bien sûr, c'est même conseillé. Voilà. ça fait partie des recommandations. Il faut faire de l'activité physique aujourd'hui. Véronique Christians, vous êtes infirmière. On peut rappeler ce qu'est le diabète, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, le diabète, c'est un taux de sucre qui est trop élevé dans le corps. Et il y a différentes sortes de diabète. Il y a le type 1, le type 2. Type 1, c'est... Alors, le c'est type 1, ça apparaît souvent chez l'enfant ou chez l'adolescent. Le corps qui va détruire c'est une maladie auto-immune, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, c'est le corps qui va détruire, en fait, les cellules qui produisent l'insuline. Et l'insuline, elle va juste aider, en fait, à gérer un peu le taux de sucre dans le sang. Et donc, si elles sont détruites, le taux de sucre dans le sang va continuer à monter. Et voilà, ça, c'est le diabète de type 1. Et le type 2? Le type 2, donc, lui, on l'appelle plutôt le diabète gras. Donc, lui, on va le retrouver plus chez les personnes qui ont plus de 40 ans, bien souvent. Et donc, ça, c'est dû, justement, soit à un problème d'hérédité ou alors aussi assimilé aussi à un manque d'activité physique, à une nutrition trop riche en graisse, toutes ces choses-là. D'accord. Et, donc, voilà. Et le diabète gestationnel, donc c'est un diabète qui arrive au moment que la femme est enceinte, en effet, et il disparaît au moment de l'accouchement. Alors, le diabète est une maladie? Tout à fait, c'est une maladie chronique, oui. Ouais. Donc, le diabétique est un malade? Est un malade. Est une personne malade? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Maïlis Alberto de l'association Diabète Nutrition 974, vous travaillez beaucoup avec les personnes touchées, hein, effectivement, donc par la maladie. Oui, voilà, effectivement, nous, notre objectif, c'est d'accueillir, d'informer sur le diabète, parce que c'est une maladie assez complexe. Du coup, on va être là pour soutenir les personnes, qu'elles soient malades depuis longtemps ou qu'elles viennent de l'apprendre, pour les accompagner et leur proposer des solutions pour mieux vivre avec leur maladie. Les experts sont là pour répondre aux questions des auditeurs, évidemment, sur la première. Vous composez le 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. Quelle alimentation pour le diabétique? Comment préserver au mieux sa santé? On a besoin de vous entendre. Et puis, dans moins de 30 secondes, nous irons retrouver Jean-Claude Machir sur Saint-Joseph. Samedi et dimanche, de midi à 14h. Tous en première le week-end. Avec Beverly. Votre rendez-vous d'information consacré à l'actualité dans l'océan Indien. L'Afrique, Madagascar et une partie de l'océan Indien s'est préparée. Et des actus insolites avec des places de ciné à gagner. Tous en première avec Beverly. Samedi et dimanche, de midi à 14h sur Réunion Première. Il est 10h15 sur la première. CRC Tour, 40 ans avec le groupe CRC. Jean-Claude Machir à Saint-Joseph. Bonjour Jean-Claude, et vous êtes en compagnie de Rodolphe et vous allez parler de diabète. Oui, bonjour Claude, bonjour La Réunion. Alors ici à Saint-Joseph, il fait très beau. Je vous invite à venir vraiment vous renseigner. C'est important pour votre santé. Claude vous l'a dit tout au long de la matinée dans les experts hier du côté de Saint-André. Et je répète la même chose. Eh bien, c'est indispensable de venir ici, se faire dépister tout simplement, venir faire un contrôle. Ce n'est pas Rodolphe Sibi qui me contredira. Il est infirmier. Bonjour Rodolphe. La raison de votre présence sur ce site. Et je suis bien, je suis en bonne santé. Je n'ai jamais été voir le docteur. Est-ce que j'ai le diabète? Bonjour. Alors, bonjour. Alors, la Maison du diabète, elle est présente sur ce site, effectivement, pour justement répondre à ce genre de questions. C'est important pour le diabète de se faire dépister parce que effectivement il peut y avoir quelques signes, un amaigrissement important, une soif importante, des envies d'uriner fréquentes, une fatigue importante, la bouche qui est un peu lourde, mais souvent les gens passent à côté de ça, ne se font pas dépister, ne regardent pas avec le petit test, c'est juste une petite goutte de sang au bout du doigt, et puis on regarde le taux de sucre, parce que le diabète c'est avoir trop de sucre dans le sang. Mais si on ne regarde pas ça, on ne peut pas orienter la personne vers le médecin traitant. Si la personne ne fait pas de prise de sang régulièrement une fois par an, avec le risque familial, avec le surpoids, l'obésité, avec les difficultés au niveau de l'alimentation, trop gras, trop sucré, le stress aussi, le risque familial, si j'en ai déjà parlé, mais tout ça fait qu'au bout d'un moment, le diabète peut s'installer et avoir des complications très graves. Donc c'est important de faire ce test et de se faire une prise de sang une fois par an, de se faire dépister pour le diabète. Voilà. Est-ce que c'est douloureux? Alors le petit test, il faut savoir que l'appareil qu'on utilise, ce sont les personnes diabétiques qui utilisent ça plusieurs fois par jour, certaines. Donc c'est juste une petite goutte de sang au bout du doigt, ça n'a rien à voir avec la sensation d'une prise de sang. C'est vraiment pour orienter, voir où est-ce qu'on en est avec son taux de sucre. Et éventuellement, si on a un peu trop, on va dire faites la prise de sang en demandant au médecin une ordonnance pour faire cette prise de sang. Voilà. Merci à vous, en tout cas, Rodolphe. Je rappelle que vous êtes infirmier, que vous êtes sur ce site à Saint-Joseph. Eh bien, justement, pour permettre aux gens de venir se dépister, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Vous l'avez entendu, ça ne fait pas mal. C'est juste une petite piqûre sur le bout du doigt pour avoir une goutte de sang, tout simplement. Et nous sommes là jusqu'à 17h. Et vous allez faire la piqûre, Jean-Claude Machir? Ah, bien sûr que je vais la faire. Et maintenant? S'il vous plaît. Et puis alors, passez le bonjour à Rodolphe. Attendez, ben je vous le passe si vous avez 30 secondes. Oui, 30 secondes alors. Oui. Pas 31, hein. Alors, Rodolphe, peu... Rodolphe, oui. Bonjour, Claude Montané, ça va? Oui, ça va. Ben écoutez, allô, oui, Rodolphe? Oui. Oui, ça va, Rodolphe? Oui, ben ça va. Oui, alors là, je suis avec des gens que vous connaissez dans ce studio. Pardon, excusez-moi, je suis un petit je peu... Suis en compagnie, oui, oui. Je suis en compagnie de personnes que vous connaissez dans ce studio. D'accord. Diane Bailleux. D'accord, oui, effectivement. Voilà. Donc, Maëlys, voilà. Maëlys Alberto. De ADN 974. Oui, voilà, c'est ça, oui. Voilà. Véronique Christians, qui est infirmière. Oui. Bah, décidément, vous connaissez oui. tout le monde, vraiment. Alors. Et Bruno Turpin, éducateur sportif. D'accord. Voilà. D'accord, ben, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Salut. Merci, Rodolphe. Bonne journée à vous. Merci. CRC Tour, 40 ans avec le groupe CRC. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Alexandre de Piton-Saint-Leu. Bonjour Alexandre. Non, en fait c'est Alexandra, bonjour. Ah oui, non, c'est de ma faute. Alexandra, bonjour. Ça va Alexandra? Ça va très bien, merci. Oui. Et vous-même? Oui, très bien. Votre question s'il vous plaît. En fait, j'ai entendu l'infirmière, parce que j'écoute votre émission tous les jours. Merci. J'ai entendu que l'infirmière parlait de trois types de diabète. Oui. Oui. Et qu'il y avait ce type 3, type 1, type 2 et type 3, c'est ça? Non, j'ai parlé Christians. Aussi du diabète gestationnel, en fait. Voilà, bonjour. C'est celui-là qui m'intéresse. C'est celui-là. Oui, en fait, les autres, vous n'en voulez pas. En fait, je ne veux pas des trois, hein, mais bon. Non, oui, fait, oui. Mais alors, ah, c'est le diabète gestationnel. Voilà, j'ai quelqu'un de ma famille qui était dans ce cas-là pendant sa grossesse. Oui. Et après l'accouchement, c'est ce qu'on lui a dit, que justement, ben, ça va disparaître, mais elle est toujours diabétique. J'aurais voulu savoir pourquoi. Son fils, aujourd'hui, a 5 ans et elle est toujours diabétique. Alors, en fait, souvent, les personnes chez qui on va découvrir un diabète pendant la grossesse et qui ne le perd pas après la grossesse, ce sont des personnes à qui on n'a pas découvert le diabète avant la grossesse. Donc, il est probable que votre sœur, c'est bien ça, avait déjà un diabète avant de débuter sa grossesse. Elle avait déjà un diabète? Oui, parce que souvent les personnes, en fait, les personnes qui font du diabète gestationnel, donc normalement le perdent après la grossesse, mais si elles ne le perdent pas, c'est souvent qu'il y avait déjà un diabète du coup avant la grossesse, et c'est pour ça que d'accord. le diabète est toujours existant. Mais il y a aussi possibilité que les femmes qui font un diabète gestationnel sont plus à risque de faire un diabète de type 2 dans les années après la grossesse, pour une bonne et simple raison, c'est parce qu'on a déjà remarqué une sensibilité. Donc pendant la grossesse, et si elles n'ont pas une activité physique régulière et une alimentation pas trop grasse, pas trop sucrée, elles sont très à risque de développer un diabète de type 2 après leur grossesse. Ok. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Alexandra. Bonne journée. À très bientôt sur Réunion Première. Merci beaucoup. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Il est question de diabète aujourd'hui jusqu'à 11h30 sur la première, d'activité physique mais aussi d'alimentation. Alors Laurent est avec nous. Bonjour Laurent de Saint-Denis. Bonjour. Bonjour, allez-y, c'est à vous. Alors, j'aurais aimé poser une question. Quelle est la vraie hygiène alimentaire à La Réunion pour un diabétique? La bonne hygiène alimentaire. Ah. Alors là, vous parlez pour vous, c'est pour vous, ça vous concerne? Oui, ça me concerne. J'ai 36 ans de diabète et j'aurais aimé savoir quelle est la bonne hygiène alimentaire. D'accord. Diane Bailleux, diététicienne. Donc quand vous dites à La Réunion, j'imagine que c'est en mangeant créole. En mangeant créole. Ok, donc déjà c'est possible, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont diabétiques qui se disent qu'ils n'ont plus le droit de manger leur riz et leur curry, donc ça c'est pas vrai. Maintenant, bah voilà, avoir une bonne hygiène alimentaire quand on est diabétique, c'est déjà faire 3 repas par jour. Et les collations? Pardon? Et aussi les collations? Alors, c'est pas obligatoire pour tout le monde, mais c'est effectivement, ça peut aider à mieux équilibrer le diabète quand on a des difficultés à l'équilibrer avec simplement trois repas. D'accord. Trois repas, en tant que sportif aussi, donc je pense que faut avoir la collation. Ben voilà. Alors, je vais revenir sur ma question. Ouais. À La Réunion, il y a une hygiène alimentaire vraiment créole. Ouais. Maintenant, j'ai essayé moi-même de faire à un certain moment. Repas pesé, repas équilibré, je me sentais plus mal que quand je mange naturellement. D'accord. C'est-à-dire le repas créole, le bon piment, le samoussa. tout ce qui est bon, ouais, c'est ça, ouais, j'ai bien compris. Ouais, mais en fait, en fait, vous avez modifié votre alimentation, changé votre façon de manger, de consommer. Moi, je pense que à La Réunion, il faut pas se restreindre sur la diététique alimentaire. Pourquoi ? Parce que on s'épuise plus à aller s'équilibrer dans le repas, or que tout est fait à La Réunion comme il le faut. Ben, dans un carré, on a de tout. Alors, je vous rejoins là-dessus. On peut effectivement manger justement créole et avoir une alimentation équilibrée. Maintenant, il y a quelques principes à respecter, notamment le curry, le faire peut-être moins gras que ce qu'on a de façon générale l'habitude de faire, c'est-à-dire doser l'huile plutôt que verser la bouteille. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les féculents, donc le riz, éviter de manger le riz blanc. Sans manger de grains et de légumes, d'accord ? Le riz blanc tout seul, le sucre va passer plus vite dans le sang. Si on mange le riz plus le grain, et si on mange encore mieux le riz plus le grain plus les légumes, là, on a beaucoup de fibres, et du coup, ça permet au sucre de passer plus lentement dans le sang, et ça permet de mieux équilibrer le diabète. Donc effectivement avec les plats créoles, donc en plus si on rajoute le rougail avec un peu de piment, ça c'est encore mieux. Mais du coup ce qu'il faut éviter qui a été rajouté dans l'alimentation réunionnaise ces dernières années, c'est les sodas, c'est les biscuits, c'est les gâteaux. Ça c'est pas bon. Et vous parliez des bonbons piment samoussa, oui pourquoi pas de temps en temps, tous les jours. Parce que ça reste des produits très gras. Pas tous les jours. Voilà. Comme je vous dis, j'ai réadapté mon alimentation par rapport à ça. Mm-hmm. Sportif aussi, hein. Ouais. Donc voilà. Maintenant, je donnerai peut-être par expérience, je dirais, il ne faut pas se restreindre sur son diabète. Parce que la plupart du temps, c'est psychologique aussi qui fait que le diabète prend la tête aux gens. Mm. Et il faut le vivre en tant que tel, se dire je peux faire tout ce que les autres peuvent faire. Ouais. Mais en modérant aussi, en faisant attention, on est bien d'accord, Laurent. Hein? Ah oui, on est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord s'il là-dessus. Vous plaît, oui. Il faut pas se dire il faut pas que je fasse ça, il faut pas que je fasse ce que vous étiez en train de dire au début de votre. D'accord. Laurent, merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis bon courage pour la suite et puis s'il vous plaît, pas trop de bonbons piment et pas trop de samoussa. C'est excellent ça, monsieur Spontané, c'est excellent. C'est excellent. Nous tous on dit que c'est excellent, c'est vrai. Merci, à bientôt Laurent. Allez, au revoir. Au revoir. Quelle alimentation pour le diabétique ? Comment préserver au mieux sa santé ? Nos experts répondent à toutes vos questions. Profitez de leur présence jusqu'à 11h30 sur la première. Et puis une information routière, elle nous vient de notre motard, donc Yves Gruyer. C'est un peu difficile la circulation du côté de Saint-Pierre au niveau de la ZAC Canabadi, en dessous de la ligne Paradis. C'est à cause d'une manifestation, donc patience s'il vous plaît. On revient dans moins de 3 minutes sur la première avec vos réactions, vos questions et vos témoignages au 02 62 99 2000. They all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? tell me I'm wrong, wrong. I don't wanna be right, right. If you tell me I'm wrong, for trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. Diabète est au cœur de votre émission Les Experts sur la première, les précautions à prendre, les conduites à tenir et puis l'activité physique, l'alimentation. On parle de tout ça avec nos experts sur la première. Les Experts, vos questions au 02 62 99 2000, vos SMS au 06 92 70 2000. Et pour vous écouter, Diane Bayeux, diététicienne, Véronique Christians, qui est infirmière, Bruno Turpin, éducateur sportif, et Maëlys Alberto de l'association Diabète Nutrition 974. Au téléphone, nous avons Mathieu de la Possession. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour à tous. J'aurais une question concernant alors le diabète et surtout le taux de sucre dans le sang. Alors, d'après quelques études que j'ai lues, la THC, c'est-à-dire la molécule présente dans le cannabis, aurait pour influence de diminuer le taux de sucre dans le sang. Donc j'aurais aimé savoir si est-ce que concrètement le fait de consommer du cannabis sous forme de tisane, évidemment, pourrait contribuer à diminuer le taux de sucre et par là guérir le diabète. Véronique Wissens, vous êtes infirmière. Oui, bonjour. La seule chose, c'est que si ça diminue le taux de sucre dans le sang, c'est que le risque, c'est de faire des hypoglycémies. Et lorsqu'on fait une hypoglycémie, on va se resucrer. Parce qu'il faut se resucrer. Si on a tendance à trop se resucrer, ça va déséquilibrer, en fait, le diabète. Le but d'un diabète, c'est d'avoir un taux de sucre dans le sang stable. Et le fait de jouer, justement, avec des produits qui vont faire diminuer le taux, le faire monter, etc., ça ne donnera pas un diabète stable à la fin. D'accord. Donc le diabète, c'est le fait de ne pas avoir trop... Non, c'est le fait d'avoir trop de sucre dans le sang. Alors oui, en effet. Donc la définition exacte du diabète, c'est un taux de sucre trop élevé dans le sang. Mais lorsqu'on est diabétique, on peut faire en effet des hypoglycémies. Et donc c'est une chute du taux de sucre dans le sang. En effet, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc soit suite à une grosse activité physique, soit en effet à la prise par exemple de cette fameuse tisane dont vous venez de parler. Moi, je ne la connais pas personnellement. Enfin voilà, En fait, c'est le cannabis, le zama local. Oui, tout à fait. J'ai remarqué que beaucoup de consommateurs sont plutôt secs, minces, maigres. Parce que, et surtout, ils ont faim après. Donc, ça explique que leur taux de sucre diminue. Et donc, ils doivent, comme vous dites, se réapprovisionner en glucides. Donc, c'est ma question, si ça avait une influence sur le diabète. C'est des grosses fringales qui peuvent être nocives, entre guillemets. Ça donne faim. C'est des effets secondaires du cannabis. Oui, c'est des grosses fringales, une faim. Diane Bayeux. Effectivement. Donc, Attendez, Mathieu. Oui, le Zamal, comme toutes les autres drogues de façon générale, ou toxiques, va augmenter en fait la consommation en énergie de l'organisme. Et du coup, c'est pour ça qu'on a ces fringales-là. La tisane au Zamal, ça ne guérira pas le diabète, puisque le diabète est une maladie qui ne se guérit pas. En tout état de cause, c'est pas forcément. J'ai essayé de regarder regarder. Là, il n'y a pas forcément d'études très probantes sur le sujet. Oui, il peut y avoir des effets ponctuels chez des personnes, mais voilà, il n'y a pas d'études sérieuses sur le sujet. D'accord, très bien. Alors Mathieu, c'est vrai qu'on dit souvent que chaque réunionnais connaît forcément quelqu'un qui est touché par la maladie, qui est touché par le diabète. C'est votre, vous en connaissez vous aussi dans votre, dans votre famille par exemple? Oui, absolument, mais ça s'explique par le fait que à la Réunion, on a souvent été, je parle un peu crûment, mais reproduit entre nous. On s'est reproduit entre nous et je parle pas de consanguinité, hein. Mais le fait qu'on soit dans un lieu isolé et qu'on fait des enfants entre nous, et bien dans les gènes, je pense que ça se retrouve plus facilement que dans d'autres territoires. Et ce qui a compliqué la maladie, c'est que la Réunion est surtout très fragile par rapport à tout ce qui arrive de l'extérieur. Je pense notamment aux boissons très sucrées, je pense à l'alimentation très grasse. Donc nous, on est les premières cibles et je pense que c'est ce qui conditionne le taux de diabète important à la Réunion. On est la première cible, Véronique Christians. Alors la première cible, Mathieu, là, j'ai pas vraiment les chiffres en tête, mais c'est vrai que la maladie du diabète, quelles sont les manières d'avoir un diabète? En effet, il y a le risque de l'hérédité, donc si on a quelqu'un dans sa famille, le terrain familial, tout à fait. Il y a la mauvaise alimentation, le manque d'activité physique, le tabac. Qu'est-ce qu'il y a encore? La sédentarité, tout à fait. Le surpoids, c'est tout ça. L'hypertension, le trop de cholestérol. Toutes ces choses-là sont des facteurs de risque, en effet, qui peuvent amener à un diabète. Yann Bayeux, Bruno Turpin, Tout à fait. Maëlys, Alberto, vous arrivez à sensibiliser la population à travers vos réunions d'information? Oui, alors on est, nous, avec notre association, on est présents sur une cinquantaine d'événementiels à travers la Réunion. Donc l'objectif, c'est à chaque fois de proposer un dépistage du diabète, mais aussi d'avoir un stand d'information qui permet aux personnes de venir poser des questions, justement, de recueillir des informations. Et notamment, nos infirmières sont toujours là et souvent, les gens viennent poser des questions qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps ou l'occasion de poser ailleurs ou de trouver l'information sur Internet ou des endroits où c'est plus compliqué vraiment de trouver une solution personnalisée et adaptée à la culture créole. Du coup, c'est un espace d'échange qui permet de rencontrer, puis pour nous aussi de faire un peu un état des lieux des questions qui se posent à la Réunion et qui nous permet ensuite d'adapter notre travail en fonction de ce qu'on a pu voir sur le terrain. Mathieu, on a répondu à votre question. Voilà, si je peux juste intervenir en disant que les politiques aussi ont un rôle. Par exemple, c'est pas normal qu'à la Réunion, certains sodas soit plus sucré. C'est en train de changer, Diane Bayeux. Mais on est encore sur un terrain d'inégalité. Et c'est pareil pour certains yaourts qui sont plus sucrés parce que on essaie de faire acheter encore plus le réunionnais sur des trucs qu'il aime. Donc c'est pour ça qu'on encourage le plus de sucre dans les boissons. Alors j'ai envie de dire aussi que en fait c'est aux réunionnais de ne pas tomber dans ce piège. Mathieu. C'est facile parce que je citerai pas le nom de la boisson, mais une boisson sucrée, un soda qui est consommé presque par tout le monde, il n'y a pas d'alternative à ça, à part de l'eau gazeuse peut-être. Donc, une fois que c'est introduit sur le territoire, le taux de sucre est supérieur à la moyenne, c'est normal qu'à La Réunion, il y ait plus de diabétiques par rapport sur d'autres territoires. Parce que déjà, au niveau de la loi, on autorise le fait que ce soit plus sucré à La Réunion. Diane Bayeux. Alors, la législation, justement, a changé. Il y a eu un texte de loi qui est sorti en 2013 et qui est maintenant réellement applicable depuis cette année. Donc, il y a quand même eu 3 ans de latence, je vous l'accorde. On a dû, notamment avec l'association ADN, réaliser des manifestations à plusieurs reprises pour exiger la mise en application de ce texte de loi. Donc, les industriels, se sont conformés aux règles. Logiquement, les sodas, les produits laitiers ne sont plus sucrés à La Réunion qu'en métropole. Cependant, il y a quand même certains produits où on retrouve une addition d'édulcorants, de stevia notamment, qui fait que les produits, même s'ils sont moins sucrés avec, du vrai sucre, gardent un goût beaucoup plus sucré que les produits qu'on peut rencontrer en métropole. Donc, beaucoup d'industriels, qui soient locaux, mais le problème n'existe pas qu'à La Réunion. Aux États-Unis, il y a une grande étude qui vient de sortir aussi à ce sujet-là. Les industriels conditionnent le consommateur à avoir envie de sucre. Et du coup, cette envie entraîne une consommation, des achats, notamment des achats compulsifs de soda et tout ça. Et oui, on est dans le cercle vicieux de la consommation. Et à moins qu'on ait une volonté et une prise de conscience réelle, individuelle, c'est vrai que c'est compliqué de s'en sortir puisque ce sont des produits très accessibles qui peuvent être bons au goût. Accessibles et voilà, pas chers. C'est sucré, voilà, c'est pas ça. Cher. Donc ouais. C'est tout le biais de la grosse machine de l'industrie alimentaire. Quoi. Accessible, pas cher et bourré de sucre. Mathieu, merci. Je vous remercie, au revoir. Bientôt, jusqu'à 11h30, les experts répondent à toutes les questions. Nous sommes sur le diabète, sur l'activité physique et aussi sur l'alimentation. Et puis à 12h50, dans la chronique éco, on reviendra sur ce taux de sucre, notamment dans les produits. Ne manquez pas ce rendez-vous, donc à 12h50 sur la première. Souvenir, Mylène Farmer, pourvu qu'elle soit douce sur la première. Réunion Première, c'est la radio pays. L'information locale dès 5h. 10 hectares de broussailles. Et tout au long de la journée, des invités à votre écoute. Réunion Première, avec vous, sur la route, à la maison et au travail. Le Lancastre, ça y est. Grand matin, dès 5h, la Coljac à 8h et vos experts. J'aimerais savoir comment ça se passe. Le débat de la mi-journée, le bon tempo l'après-midi, le magazine de la rédaction et Claudio dans la case à 19h. Réunion Première, c'est la radio pays. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Zillois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Jean-Claude Machir nous attend sur Saint-Joseph. CRC Tour, 40 ans avec le groupe CRC. Jean-Claude Machir, vous avez pris le bus ou pas? Non, je n'ai pas pris le bus. Peut-être que demain matin, je le prendrai, en tout cas pour aller du côté de Saint-Louis. Mais là, je vais très certainement regarder la pratique de la Zumba, pas participer puisque je ne suis pas en tenue. Lucel, bonjour. Bonjour. Bonjour Lucel. Vous représentez qui? Et gymnastique volontaire, qu'est-ce que c'est? Alors, moi, je représente le CODEP, le Comité de Gymnastique Volontaire de La Réunion. Alors, nous proposons aux personnes des activités physiques adaptées à tout le monde, en fait. Vous pouvez avoir des problèmes de dos, de tout ce que vous pouvez. Nous, on s'adapte vraiment. Donc, vraiment le sport pour tous. Moi, ce que je propose, donc, c'est vraiment du renforcement, des exercices vraiment de relaxation, vraiment de tout varié, en fait, et divers. Vous pouvez retrouver mes cours donc le mercredi et le vendredi sur Saint-Joseph, donc Zumba, renforcement, LIA et compagnie, etc. Aujourd'hui, donc sur la journée à la halle de Saint-Joseph, donc on va proposer des petites séances de Zumba. Donc là, dans 10 minutes, on va démarrer une et peut-être une en fin de journée. Et puis, surtout, n'oubliez pas notre rendez-vous dimanche au Jardin de l'État, la journée sport santé, à partir de 9h jusqu'à 16h avec la CRC. Alors, je vais faire un test. Est-ce que vous avez retenu son prénom, Claude? Le prénom de Lucel? Ah, ben voilà. Il a retenu votre prénom, Lucel. Parce qu'elle me disait, je lui ai pas dit que c'était un prénom rare, parce qu'elle me disait qu'on oublie toujours son prénom. Donc, ah, pas du Claude tout. Montané, pas du tout. Claude Montané a elle a un beau prénom, d'ailleurs. Super. Et vous avez un beau prénom, vous dit-il. Bonne journée, au revoir. Merci, Lucel. Merci, on se retrouve dans une demi-heure. CRC Tour, 40 ans avec le groupe CRC. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Les experts du diabète, de l'alimentation et de l'activité physique, Diane Bayeux, Véronique Christians, Bruno Turpin, Maëlys Alberto. Alors, quand on a le diabète, on l'a pour la vie. Véronique Christians, vous êtes infirmière. Hein? Alors, oui, en effet, donc il fait partie. On garde le diabète. On l'a à vie, oui, maladie chronique. Oui. Et il y en a qui peuvent avoir des traitements et puis après arrêter leur traitement, mais du coup ils doivent continuer à avoir une bonne hygiène alimentaire et une bonne activité physique, oui. Et un très bon suivi aussi médical. Tout à fait, oui, le suivi médical est vraiment très important chez la personne diabétique. Chaque année, ils doivent faire un examen de tout, des pieds, des yeux. Oui, c'est ça, une sorte de check-up, on peut dire ça également, comme ça. Ouais. Tous les ans. Alors chaque année, il doit aller voir un cardiologue pour voir un petit peu comment va son cœur. Mais il en parle aussi à son médecin traitant. Exactement, c'est le médecin traitant en fait qui va lui prescrire. Il doit aller voir s'il a pas trop de sucre dans les yeux, si le cœur fonctionne bien, si les reins vont bien, si il a bien toutes les sensibilités au niveau des pieds, il doit aller chez le dentiste aussi pour contrôler bien s'il n'a pas de caries, les gencives et tout ça. Donc en fait, c'est tous les risques de complications qu'on peut avoir chez une personne diabétique. Et tous les 3 mois, bien sûr, faire la fameuse prise de sang pour l'hémoglobine glyquée. Je pense que les diabétiques s'en reconnaîtront. Tous les 3 mois. Tous les 3 mois, oui. Pour voir si le diabète est bien équilibré. Donc, en effet, il y a une série, en fait, d'examens à réaliser sur une année. Et également tous les 3 mois chez une personne diabétique pour s'assurer qu'il n'y a pas de complications. Alors, les malades tiennent compte de ces recommandations? Une fois par an, d'aller faire tous ces examens? Alors, comme toute maladie, je pense que ça peut être fatigant ou contraignant, en tout cas, d'aller se contrôler chaque année, plusieurs fois par an, chez certains médecins, chez certains spécialistes. Mais en fait, le diabète, on parle tout le temps de maladie. En effet, c'est le terme qu'on a évoqué jusqu'à maintenant. En effet, c'est bien une maladie chronique, mais c'est une maladie chronique, si elle est bien soignée et si elle est équilibrée, avec laquelle on vit très bien, en fait, aujourd'hui. Et justement, la raison pour laquelle il faut aller vraiment faire le suivi auprès de ses médecins pour voir si les complications sont là ou pas, c'est vraiment très important. Des complications qui sont prises dès le début de la maladie et très tôt sont des complications qu'on guérit facilement. Alors, pourquoi on parle souvent du pied du diabétique? Pourquoi il faut faire attention au pied? Parce que c'est une des premières complications qu'on va voir, c'est les yeux et le pied chez la personne diabétique. Donc c'est la perte de sensibilité et tout ça, et donc comme on observe très rarement, hélas, ses pieds et qu'on va très rarement les montrer à un podologue, on ne regarde pas, et le fait de ne pas voir, il peut se passer plein de choses au niveau du pied qu'on ne va pas faire attention, et c'est là qu'il peut y avoir des risques d'amputation, etc., etc. Bruno Turpin, vous êtes éducateur sportif, vous tenez compte un petit peu de tout ça, du pied, la personne malade, le diabétique qui vous demande alors quelle activité, vous lui posez la question sur notamment sur attention aux pieds. Voilà, bien sûr. En fait, pour la personne diabétique, il y a une activité physique qui est la plus accessible à tout le monde, donc c'est la marche. La marche à pied. Ouais. Et donc, bien sûr, ce qu'il est recommandé pour la personne diabétique, c'est d'avoir un bon équipement. Justement, faire attention aux pieds. Donc là, voilà, on ne va pas conseiller la personne d'aller sur un sentier et d'avoir des savates, par exemple, parce qu'il y a le risque de blessure au niveau du pied. Donc, avoir un bon équipement pour pouvoir bien pratiquer. Et ce qui est recommandé aussi, c'est pour les personnes diabétiques, parce qu'il y en a des personnes qui sont diagnostiquées assez tôt, donc qui ne connaissent pas encore bien comment réagir au niveau du dosage, etc. Donc, ce qui est recommandé, c'est de prendre sa glycémie avant pour pouvoir pratiquer. Donc, il faut minimum 1 gramme par litre pour pouvoir faire une activité. Donc, si on est en dessous de ce taux, il n'est pas recommandé de pratiquer une activité physique. Christian est avec nous. Christian du Tampon. Bonjour, Christian. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous sur Réunion Première. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Oui, donc moi, en fait, m'y appelle parce que, on l'a diagnostiqué le diabète chez moi en 2012. Oui. Et pendant 2 ans, moi, elle était complètement dans le déni, mais il ne voulait pas faire aucun... Voilà, complètement dans le déni. C'était difficile d'accepter, en fait, d'accepter le diagnostic, c'est ça. Voilà, d'accepter et de faire ce que le médecin me recommandait de faire. Quoi. Non. Mais vous l'avez mal pris, le... Oui. Psychologiquement, on l'a mal pris. Psychologiquement, oui. Voilà. Et en fait, après, en 2014, on a eu des petits soucis de santé. Donc, c'est à partir de ce moment-là, en fin 2014, décembre 2014, que moi, j'ai pris vraiment conscience de tout ça et faire ce qu'il fallait. Il faut dire que moi, j'avais 107 kilos à l'époque. Et donc, moi, j'ai fait des régimes et des activités physiques. Moi, j'ai descendu à 87 kilos. Allô? Oui, allez-y Christian, on est en train de vous écouter, en même temps on prend des notes. D'accord, et depuis, moi j'ai fait ce qu'il faut, tous les 3 mois, la prise de sang, la visite chez le médecin tous les ans pour les yeux, le cœur et... C'est bien, bravo, oui. Disons qu'on l'a pris à cœur tout ça, mais maintenant ma question, ça c'est un petit peu mon témoignage, mais maintenant ma question c'est... En rapport aux activités physiques, il fait un petit peu de vélo. Ces derniers temps, on a eu une opération assez importante, donc on l'a pas pu faire pendant 5 mois. Donc on a repris le vélo, mais j'aimerais savoir, par exemple à la maison du diabète, au tampon, ou est-ce que on a des activités physiques, spécifiques en groupe ou des choses comme ça. Voilà, j'aimerais savoir si ici il y a ça. Bruno Turpin. Oui, alors bonjour. Donc, je pense qu'il y a énormément de structures qui proposent des activités physiques adaptées à la Réunion, donc pour les personnes diabétiques. Après, je ne pourrais pas vous dire si la maison de diabète en propose, mais en tout cas, je sais par exemple l'association Diabète Nutrition 974, présent ici, là, à la radio. Oui, Alberto est là, oui. Voilà, je sais que cette association donc propose des activités physiques, notamment au tampon. On a énormément de créneaux avec cette association et avec aussi des éducateurs sportifs qui sont diplômés donc en activités physiques adaptées, donc pour les personnes notamment qui ont un diabète. Attendez, Christian. Maëlys Alberto de l'association Diabète Nutrition est aussi avec nous. Allez-y. Oui, voilà, je vais juste compléter les propos de Bruno. Donc effectivement, nous, on propose des activités au tampon. On a d'ailleurs un gros fan club au tampon avec beaucoup de créneaux qui se développent très rapidement. On en propose 7 un peu partout sur le tampon et répartis sur la semaine, notamment la gym douce, de la marche et de la marche nordique. Donc c'est des activités justement qui favorisent la reprise d'une activité physique. C'est de la gym douce, c'est pas trop intense et ça permet de muscler un peu partout, donc pour après reprendre le vélo plus facilement. Donc je vous invite à vous rapprocher de nous. Les coordonnées, vos coordonnées alors s'il vous plaît. Bien sûr, mais on va tout donner à la fin de l'émission, mais allez-y. Oui. D'accord. Donc on a un numéro générique, le 0262 947 700. 947-700. Voilà, on a aussi un site internet www.adn974.re et une page Facebook. ADN. Association. ADN 974. 974, d'accord. Ouais. Et puis on va vous offrir la casquette qui est pas mal. Et puis alors, Christian, Christian, cette prise de conscience, elle est importante. Hein. Si. Et vous faites, on l'a entendu, vos examens, donc une fois par an. Ah oui, ça, je ne m'y rate pas. Non. Maintenant, parce qu'en fait, moi, j'ai eu de gros soucis de santé. C'est un peu long à expliquer. Il ne rentre pas trop dans le cadre du diabète, mais on a eu des soucis de santé. Et à ce moment-là, m'a pris conscience. Je suis parti voir un diabétologue, des diététiciens. Je suis allé à la maison du diabète faire des exercices, il faut savoir comment cuisiner, Cuisiner, on en parlera aussi, oui. Comment cuisiner, voilà. On a tout fait pour ça et maintenant, il fait très attention à ce que m'y mange, à ce que m'y boit, parce que il connaît que les il y a des conséquences. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous, Christian. Merci. Merci à vous et puis bonne journée, bonne continuation. Merci également. À très bientôt. Je vais saluer Lucienne de Saint-Benoît. Bonjour, Lucienne. Oui, bonjour. Bonjour, Lucienne. Vous restez avec nous, s'il vous plaît. Oui. Voilà, dans 2 minutes, on aura le journal de France Info sur la première et on vous retrouve en compagnie des experts. Le temps de s'apprécier Rock Voisine. Je sais que vous adorez Maëlys, Diane et puis Véronique. Un peu moins peut-être Bruno Turpin. Non, j'aime beaucoup. All the leaves are brown, and the sky is gray. I'm in for a wild walk on a winter's day. I'd be safe and warm. California dreaming on such a winter. Quelle alimentation pour le diabétique? Comment préserver au mieux sa santé? On revient juste après le journal de France Info. Il est 11h sur la première. L'info, c'est avec Jean-Christophe Martin. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Marie, bonjour à tous. C'est donc un yes, mais un yes sous condition pour le projet de centrale nucléaire d'Hinkley Point en Grande-Bretagne. Le gouvernement britannique vient de trancher en faveur de ce chantier capital pour l'avenir d'EDF. Explication dans le journal. Cette fois, c'est la rentrée et c'est vraiment la rentrée. C'est reparti pour le mouvement anti-loi travail. On prend les mêmes et on recommence les manifs. Sans doute un dernier tour de piste dans la rue. On va y revenir. Et le football, jolie soirée pour le coup d'envoi de la saison européenne du côté de Lyon et Monaco. Deux victoires pour Lyon face à Zagreb, pour Monaco qui signe un exploit face à Tottenham à Londres. France Info. Et d'abord donc cette décision qui était très attendue du côté d'EDF. Attendue ou redoutée, le gouvernement britannique vient donc de faire connaître son choix qui avait déjà été reporté fin juillet, c'est oui, mais donc avec des conditions. Bonjour Isabelle Chaillou. Bonjour. Hinkley Point, c'est un projet à la fois pharaonique et vital pour l'avenir d'EDF. Un projet pharaonique, un projet à 21 milliards d'euros auquel Londres a en effet donné son feu vert. C'est ce qu'indique à France Info une source gouvernementale française. Il n'y a pas encore de confirmation officielle côté britannique. Cela dit, le gouvernement britannique aurait dû se prononcer cet été, mais qui a voulu se donner un peu de temps pour réfléchir, car le projet suscite beaucoup de questions au Royaume-Uni, notamment sur le prix de l'électricité qui sortira de cette centrale. Donc, à Londres, fixer des conditions dont il faut encore attendre le détail précis. Projet extrêmement contesté également côté français, car il engage l'avenir d'EDF. On l'a dit, 21 milliards d'euros financés essentiellement par l'électricien. Paris très risqué, estiment les détracteurs du projet, à commencer par les syndicats, car le risque est technologique. Aucun EPR n'est encore en fonctionnement, la technologie n'a pas fait ses preuves. Les chantiers en cours à Flamanville, comme en Finlande, accumulent les retards et puis risques financiers. EDF va investir précisément à lui seul 16 milliards d'euros, alors qu'il doit racheter l'activité réacteur d'Areva, alors qu'il doit engager la rénovation du parc nucléaire français, et surtout alors que EDF affiche déjà 37 milliards d'euros de dettes. Isabelle Chaillou, c'est reparti pour le mouvement anti-loi travail. La loi a bien été voté, mais rien n'a changé du côté des opposants à nouveau dans la rue, à Paris comme en province. Énième journée de mobilisation, mais sans doute la dernière dans la rue, à nouveau à l'appel de l'intersyndicale et des organisations de jeunesse, même si le cœur n'y est plus. Raphaël Ebenstein. Philippe Martinez voudrait croire à une grosse mobilisation aujourd'hui. Mais le secrétaire général de la CGT a, semble-t-il, déjà préparé la suite. Il parle désormais davantage d'un combat mené dans les entreprises pour empêcher l'entrée en vigueur des mesures concrètes de la loi El Khomri. Son homologue de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, se montre plus explicite encore. Il n'y aura pas de nouvelles manifs après celle d'aujourd'hui. Ce que je ressens aujourd'hui, il y aura vraisemblablement moins de monde qu'il y en a eu avant l'été, donc c'est pas la peine de poursuivre des mobilisations. Les gens ont envie de souffler à un moment donné. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas continuer la bagarre sous différentes formes contre la loi travail. FO, comme d'ailleurs la CGT, entend livrer une véritable bataille juridique afin de stopper ou du moins de freiner la mise en œuvre des décrets d'application de la loi travail. Mais derrière cette image d'unité, les deux syndicats doivent préparer les élections professionnelles dans les TPE, les très petites entreprises, à partir de fin novembre. Ils se présenteront en concurrence. D'où une probable reprise de distance entre eux au cours des prochaines semaines. Raphaël Ebenstein, des cortèges sont annoncés dans une centaine de villes. À Paris, ce sera entre Bastille et République en début d'après-midi. Quelques perturbations annoncées aussi dans les aéroports. 15% des vols annulés à Roissy, Orly et Beauvais. Et le dossier Alstom s'invite dans cette nouvelle journée anti-loi travail, puisque les salariés du site de Belfort sont appelés à rejoindre les cortèges contre la loi El Khomri. Et les défenseurs de l'environnement mobilisés contre la méga-fusion Bayer-Monsanto. Le géant allemand de la pharmacie et de la chimie, Bayer, s'apprête donc à avaler le géant américain des semences, Monsanto. Un deal à près de 59 milliards d'euros et une fusion qui inquiète les défenseurs de l'environnement avec la concentration dans les mêmes mains des semences, des engrais et des pesticides. Et on en vient à ces nouvelles accusations de cruauté sur des animaux. Il y avait les images de poulets en batterie, celles des abattoirs sanglantes et révoltantes. Voilà une nouvelle campagne qui risque de marquer ceux qui sont sensibles à la cause animale. Des vidéos clandestines tournées cette fois dans des élevages de lapins Angora. Images tournées par l'association One Voice, c'est révélé par le journal Le Parisien ce matin. Bonjour Ariane Grissel. Bonjour. Difficile de porter un pull Angora sans se poser de questions après avoir vu ça. Et oui, ce qui est dénoncé dans cette vidéo, c'est la façon dont on arrache les poils aux lapins à la main par grosses poignées. Alors pourquoi ne pas les raser? Eh bien parce que le pelage serait moins long et donc tous les 100 jours, la même scène avec des cris qu'on n'imaginerait pas chez ces animaux. Il y a des lambeaux, Alors, on vient d'entendre cette précision de l'éleveur. Des fois, la peau part en lambeaux. Elle est tellement fine. Selon l'association One Voice qui diffuse cette vidéo, des animaux meurent aussi de froid, faute de fourrure. Elle réclame la fermeture pure et simple de ces élevages. Du côté de l'Union professionnelle des éleveurs de lapins Angora, on précise que les exploitants peuvent donner aux animaux une plante qui faciliterait la mue et donc l'arrachage des poils. Mais il n'y a aucune obligation. Il peut donc y avoir des brebis galeuses, effectivement, selon le président de l'Union. En tout cas, cette campagne risque de porter un coup à la filière. Quand on entend ces hurlements, on se dit qu'il y a d'un coup moins de douceur dans les pulls Angora. Ariane Grissel, après le réquisitoire hier, la parole est à la défense aujourd'hui au procès Cahuzac. La chef du parquet national financier a demandé hier 3 ans de prison ferme au moins et 5 ans d'inéligibilité. Ce soir, c'est l'ancien ministre du budget poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment qui aura une toute dernière fois la parole. Aux États-Unis, à 11 jours du premier débat télévisé face à son rival républicain Donald Trump, Hillary Clinton va réapparaître en public aujourd'hui après son malaise dimanche et l'annonce de sa pneumonie. À son agenda, un meeting en Caroline du Nord avant un discours prévu dans la soirée à Washington. Le football avec la jolie soirée des clubs français en Ligue des Champions. Une victoire pour Lyon qui bat Zagreb 3-0 et qui fait oublier ses 2 dernières défaites en championnat. Et Monaco signe un exploit pour leur premier match européen de la saison. Les Monégasques sont allés s'imposer à Londres 2-1 face à Tottenham. 2 ans après un autre exploit, c'était déjà à Londres, mais face à Arsenal. Aux Jeux paralympiques de Rio, une 15e médaille pour la France. Elle est en bronze pour le fleurettiste Maxime Vallée. La France, 20e à ce tableau des médailles des Jeux paralympiques. France Info, il est 9h et presque 7 minutes. Il est 11h07 sur la première, un coup d'œil sur la météo. Il fait beau, il fait froid dans certaines régions, l'hiver n'est pas prêt de nous quitter. Et puis alors si le vent a baissé en intensité, il reviendra en force d'ici samedi. Dans l'après-midi, les nuages seront dans les plaines entre la Grande Chaloupe et Saint-Benoît. Et puis beau temps également sur les plages. On fait appel ce matin à des experts pour répondre à toutes vos questions sur le diabète, sur l'alimentation, mais aussi sur l'activité physique. On en parle avec Diane Bayeux, diététicienne, Véronique Christians, qui est infirmière, Bruno Turpin, éducateur sportif, et Maëlys Alberto de l'association Diabète Nutrition. 974, si vous avez besoin de conseils, vous composez le 02 62 99 2000, et puis les précautions à prendre, surtout quand on est touché par la maladie. 02 62 99 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Comment contrôler son taux de sucre? Et puis si vous êtes au courant que le diabète touche de plus en plus les Réunionnais, on en parle sur la première jusqu'à 11h30. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Lucienne de Saint-Benoît. Rebonjour Lucienne. Rebonjour. Alors, nous avons autour de cette table des experts. On peut parler d'alimentation, d'activité physique, de votre santé aussi. Alors allez-y, on vous écoute. Voilà, je suis un traitement diabétique de 2. Type 2, oui. Type 2. D'accord. Et je suis un traitement. Et il y a quelques mois, je trouve que mon taux de glycémie à jeun le matin dépasse les 1,20. Oui. Alors que quand je prends vers 11h30, c'est moins de 1. D'accord, oui. Donc, je suis allée voir mon médecin traitant. Très bien, oui. Il m'a ajouté un autre traitement. Et c'est pareil. Okay. Véronique Christians, vous avez compris ce qu'elle oui, est en train de dire. Alors, elle parlait de quoi exactement? Alors, la glycémie capillaire, bonjour hein, madame. Bonjour. La glycémie capillaire, donc c'est en fait le taux de sucre dans le sang qu'on va prendre au bout du doigt. J'explique pour les autres personnes au cas Bien où. Bien sûr. Qu'on va prendre au bout du doigt, il va nous donner le taux de sucre dans le sang qu'on a dans le corps, mais à l'instant même. Oui. Donc, comme vous dites, le taux est différent. Ben, le matin, à jeun ou levé, avant le repas, après le repas, etc. etc. Oui. Alors, en fait, on propose aujourd'hui, mais justement, comme le diabète, ça reste quand même une maladie et que il faut quand même bien s'alimenter, bien bouger, etc., etc. Oui. Prendre la glycémie capillaire, c'est surtout important lorsque on doit changer son traitement, pour que le médecin puisse avoir une petite idée de quel est votre taux de sucre dans le sang à telle heure et tout ça. Et en fonction de ça, il va vous donner tel ou tel médicament. Oui. C'est important aussi quand on ressent des faiblesses pour bien être sûr que c'est bien une baisse de taux de sucre dans le sang pour savoir s'il faut bien se resucrer. Parce que ça peut être une hypotension et alors à ce moment-là, ça ne sert à rien de se resucrer ou des choses comme ça. Donc à ce moment-là, c'est important de prendre une glycémie capillaire. Mais pour savoir si votre diabète, madame, il est bien équilibré, le plus important, et je pense que votre médecin me donnera raison, c'est de faire votre prise de sang tous les 3 mois. Et votre prise c'est de sang, le cliqué, là. Oui, c'est ça, oui, l'hémoglobine c'est glyquée. 7, ça, c'est normal. Eh bien voilà, ça c'est ce qu'il y a de mieux, madame. Parce que tant que votre hémoglobine glyquée, elle est bien, d'accord. Ça veut dire que votre diabète, excusez-moi, il est équilibré. Le minimum, c'est 7, je crois, non? Alors, être en dessous de 7%, ça veut dire que vous êtes à l'abri des complications. Véronique Christian, vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. En dessous Madame de 7, et moi, on se comprend. Bien sûr, et là, voilà, parce que si on vous dérange, on peut sortir aussi. Non, restez. Le meurtre est mal, excusez-moi. Non, alors, non, allez-y, oui. L'hémoglobine glyquée, je vais expliquer à madame. L'hémoglobine glyquée, en fait, c'est la moyenne du taux de sucre qu'on a dans le sang, mais sur les trois derniers mois. Oui. Comparé à la glycémie capillaire, où c'est à l'instant même, en fait. Et le fait d'avoir cette moyenne, comme dit madame, être en dessous de 7, parce que c'est en pourcentage, du coup, vu que c'est une moyenne, ça nous donne un pourcentage. Et quand on est diabétique de type 2, en bonne santé, dans ce cas-là, on propose d'avoir une glycémie capillaire, une hémoglobine glyquée dans les alentours de 6,5%. Oui. Et être en dessous de 7%, ça veut dire qu'on est à l'abri des complications justement du diabète dont on parlait. Donc voilà. Donc prendre la glycémie capillaire comme vous faites, madame, c'est bien pour voir un petit peu si on fait des malaises ou pour équilibrer un traitement. Mais le plus important, c'est d'avoir une bonne hémoglobine glyquée, donc d'avoir une bonne prise de sang tous les 3 mois. C'est surtout ça. Donc si ça dépasse les 1,20 le matin, c'est pas un problème. Alors, ça vous revoyez bien avec votre médecin, mais le plus important vraiment pour avoir un diabète équilibré, c'est votre hémoglobine glyquée tous les 3 mois. D'accord. D'accord. Oui. Merci, madame. Et je voudrais savoir si le maïs en boîte est un féculent ou un... À légumes. Alors, ça, la bonne question. Le maïs en boîte, hein? Oui. Jim Bayou, diététicienne. C'est une très bonne question. On a toujours un peu de mal à répondre. Ça va être considéré comme un féculent. Et en plus, comme le maïs en boîte, il est cuit, voire très cuit. Oui. Ça risque d'être un féculent qui va passer assez rapidement dans le sang. Oui. D'accord. Oui. Donc peut-être, voilà, si vous le mettez dans une salade, vous verrez pas. Enfin voilà, ça posera pas trop de problèmes, mais évitez de manger ça comme plat de base en fait. Non, manger la que moitié ça. D'une petite boîte. Dans une salade ou dans un autre plat, c'est ça? Voilà, mélanger avec d'autres légumes. Eh ben c'est parfait, c'est très D'accord. bien. Voilà. D'accord, merci Lucienne. Merci, au revoir, bonne journée. Merci à vous aussi, merci. Au revoir. Il vous reste un quart d'heure pour joindre Mathias au standard de la première. On parle du diabète ce matin, des précautions à prendre, mais aussi de l'activité physique. Ce sont des experts qui répondent à toutes les questions. Alors le maïs, si on met du thon avec, du pain, une salade et de la mayonnaise, c'est bon aussi? Avec une vinaigrette, ça sera mieux que de la mayonnaise. Voilà. Le thon maïs. Le thon maïs en soi, effectivement, on peut remplacer dans le thon maïs la mayo par de la vinaigrette. Ça se fait assez couramment maintenant. Et ça reste un bon mélange, effectivement. Et le thon maïs gratiné. Alors ça, Joker, par contre, c'est pas super, quoi. C'est pas super. Figurez-vous que c'est un des sandwichs préférés des jeunes réunionnais. Thon maïs gratiné. Oui, moi j'avais des copains qui rajoutaient ketchup mayo avec des frites et du piment. Donc effectivement, ça peut sûrement être très bon, sauf que voilà, ça va être extrêmement gras aussi. Et c'est des graisses dont on n'a pas forcément besoin. Là, ça en fait beaucoup d'un coup. Ça fait juste partie des plaisirs. C'est ça. Ah, voilà, ça fait partie des petits plaisirs. Oui, mais voilà, merci on va Véronique. Dire... Merci Véronique. Merci. Une bonne idée. Merci de reprendre Diane Bayou. Donc effectivement, ça peut faire partie des plaisirs de façon occasionnelle. Voilà. Mais quand on parle des jeunes, justement, qui ont tendance à consommer ce genre de sandwich, malheureusement, c'est tous les midis. Allez, on parle aussi de votre alimentation pour notamment ceux qui ont un peu de diabète. On dit souvent le petit diabète. Hein, ça, on reviendra dessus juste après 02 62 99 2000. Au cœur de la Réunion, avec Sonia. Passez une petite heure ensemble pour cette émission qui est la vôtre. Vous donner des idées de sortie. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans notre belle île? Il y a des gens et je fais des démonstrations, comment on fait le curcuma, la rougoute. Sachez que ça bouge à côté de chez vous. Au cœur de la Réunion avec Sonia. Samedi et dimanche, de 9h à 10h, sur Réunion Première. Première. Jean-Claude Machiré sur Saint-Joseph en compagnie d'Amélie et d'Élodie. CRC Tour, 40 ans avec le groupe CRC. Jean-Claude, c'est à vous. Mais oui, je suis avec Amélie et Elodie. Alors, elles sont au lycée Saint-Paul 4, à Bois-de-Neuf, à Saint-Paul. Elles sont en BTS SP3S. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, Réunion Première. Alors, le lycée SP3S, votre spécification, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors, si je suis là d'abord aujourd'hui, c'est pour faire de l'accueil tout d'abord. Aider là pour être là pour accompagner les personnes, les renseigner sur les stands, être là pour elles, faire principalement de l'accompagnement pour ma part. Et vous, Elodie? Donc c'est la même chose, et en fait par rapport à notre BTS, c'est par rapport, parce que dans notre BTS on fait de l'administratif, donc dans le social et dans le sanitaire, et vu que là on est en contact directement des personnes, donc les personnes âgées ici présentes, donc ça nous permet de nous rapprocher, de les accompagner, de les accueillir mis ce doigt. Vous vous attendiez à cette façon de voir les gens, de les accueillir? C'est un peu ce que vous faites à l'école? Principalement, moi, je m'attendais déjà à ça parce que j'ai déjà fait des actions lors de mon stage de première année où j'étais déjà beaucoup aux côtés des personnes âgées, des publics en difficulté. Donc, je m'attendais déjà à être un peu à leur côté, les soutenir, les aider à marcher. Donc, pour moi, c'est pas une nouveauté, mais ça fait toujours plaisir d'être aux côtés des personnes en difficulté et d'être là pour elles. Alors, dernière question, quel est le stand qui vous a le plus marqué? Est-ce que c'est un métier que vous faites par vocation, par plaisir ou juste pour gagner de l'argent? Je vais passer pour gagner de l'argent parce qu'on n'est pas payé, mais ça ne me dérange pas du tout. Et moi, je fais ça. Le stand qui m'a déjà le plus plu, c'est Un Autre Regard, un stand qui concerne tout ce qui est le côté de l'esthétique. Et ça m'a beaucoup plu. Et donc, moi, si je fais ça, c'est surtout par plaisir parce que ça, je suis une personne porteuse de handicap non visible. Et justement, être aux côtés des personnes en difficulté, ça me pousse à aller de l'avant et d'être encore plus motivée et d'aider les personnes, ça me plaît beaucoup. Élodie, on termine avec vous, la même chose. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous? Donc la même chose, Un Autre Regard, c'est vrai que je ne connaissais pas la station, donc j'ai pu la découvrir, mais il y a aussi un autre stand qui m'a plu, donc c'est aussi la maison du diabète, et je pense que le diabète, ça touche tout le monde. J'ai ma mère aussi qui est diabétique, et donc j'ai quand même fait les dépistages, donc qui étaient gratuits, et donc ça nous permet aussi de voir toutes les maladies qu'il y a, donc on voit des handicaps physiques, mais aussi des handicaps psychiques, donc... C'est un autre regard, du coup, comme la station. Merci à vous, Amélie. Merci, Élodie. Voilà, vous l'aurez compris, Claude, il faut absolument venir ici, du côté de Saint-Joseph. Nous sommes sous le marché couvert et ça dure tout au long de la journée jusqu'à 10h. Quant à moi, je vous retrouverai d'ici une petite demi-heure. CRC Tour, 40 ans avec le groupe CRC. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Et on l'a entendu à l'instant, c'est qu'on connaît forcément quelqu'un qui a le diabète, Maëlys Alberto, de l'association Diabète Nutrition 974. Oui, voilà, c'est vrai qu'à la Réunion... Soit un oncle, soit une tante, son père, sa mère. Ouais. Voilà, la Réunion, le diabète étant très présent, on estime à peu près à 10% de la population réunionnaise. Donc on a tous quelqu'un dans son entourage qui est diabétique, que ce soit famille, ami. C'est pour ça que nous, voilà, on est l'association Diabète Nutrition, mais on ne s'adresse pas qu'aux diabétiques, mais aussi à l'entourage, parce que c'est très important d'avoir un soutien extérieur pour ne pas vivre seul face à cette maladie. Donc c'est pour ça que quand on parle de terrain familial, Véronique Christian, vous êtes infirmière, donc c'est là qu'on doit peut-être faire un peu plus attention. Si on a papa qui est diabétique, maman qui est diabétique... Mais comme l'a bien dit la personne qu'on vient d'entendre, c'est en effet, vu que c'est un facteur de risque, c'est quand on a quelqu'un dans son entourage qui est diabétique, c'est se faire dépister au moins une fois par an. Mais tous les Réunionnais peuvent se faire... Enfin, tout le monde peut se faire... Ne pas attendre, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est une petite piqûre au bout du doigt, ça ne fait pas bien mal, ça ne prend que deux petites minutes, on a les résultats immédiatement. Donc voilà, ça vaut vraiment la peine, ouais. Et puis on l'accepte difficilement, Diane Bayeux aussi. Il y a le déni. Ouais. On a entendu tout à l'heure avec l'auditeur du tampon, Christian. Oui, il a c'est pris vrai. Du temps. Hein. Oui, c'est plus ou moins long en fonction des personnes. Donc il faut bien se rendre compte que quand on vous annonce la nouvelle, vous prenez conscience plus ou moins rapidement que vous allez vivre tout le reste de votre vie avec une maladie qui va vous apporter certaines contraintes au quotidien. Donc, c'est quelque chose de très important et de très lourd à porter. Et on va dire un des problèmes qu'on peut rencontrer quand on écoute les personnes qui découvrent leur diabète, c'est aussi que le diabète est tellement banalisé finalement à La Réunion, vu le nombre de diabétiques, que finalement l'annonce de la maladie ne se fait pas toujours dans les meilleures conditions. On va dire ça un peu vite. On prend pas forcément le temps de discuter avec son médecin de tout ce que ça va impliquer. Et du coup, ça peut créer des situations d'incompréhension et du coup de déni bien souvent qui peuvent durer plus ou moins longtemps et du coup empêcher la personne de se prendre en charge correctement. C'est ça le plus compliqué, le plus dramatique dans le déni, c'est que pendant tout le temps où la personne ne va pas accepter sa maladie, elle ne va pas correctement se prendre en charge et du coup, c'est un terrain propice au développement des complications. Et puis alors, certains qui vous disent « Oh, on a un petit diabète ». Pas beaucoup, un petit diabète. Pourquoi on dit ça? Alors, on l'entend. Véronique Christiane, ça. En tout cas, moi, je l'ai entendu plusieurs fois. Un petit diabète. Plusieurs fois, un petit diabète. Quand je demande aux gens, au moment des dépistages, vous êtes déjà diabétique? Oh, un petit diabète. Et en fait, l'impression que me donnent les personnes quand elles me disent ça, c'est j'ai un petit diabète, donc j'ai pas vraiment besoin de m'en occuper parce que c'est tout petit, en fait. Donc, mais qu'est-ce qui est petit? C'est quoi? C'est le type 1, type 2? Non, c'est le diabète, qu'il soit type 1 ou type 2. Enfin, souvent, là, du coup, c'est des types 2. Non. Et en fait, parce qu'en fait, ils ont un un taux de sucre qui est peu, enfin qui n'est pas trop élevé. Ah, Et voilà, et donc ils se disent que c'est un petit diabète. Et en fait, ce vocabulaire de dire petit diabète, ça peut donner l'impression de ne pas prendre correctement du coup la maladie en charge. Et c'est ça le problème. Et de prendre au sérieux la maladie. Voilà, ouais, exactement. Ouais. Et donc du coup, ben on va pas aller faire le dépistage des complications, on va pas spécialement faire attention à son alimentation et tout ça. Et donc du coup, le diabète, ben il va grandir et il va continuer. Donc il n'y a pas de petit ou de grand diabète, il y a le diabète tout court, je pense. Alors ces complications, notamment au niveau de la santé, mais aussi au plan sexuel. Oui, ben tout à l'heure on en parlait et ouais. C'est vrai que c'est une complication dont on parle très rarement. Il y a en effet toutes les complications, mais il y a aussi les complications sexuelles dont on parle très peu. Enfin, parce que c'est un peu tabou, voilà. C'est ça. Alors, on parle c'est... très peu de sa sexualité, etc. Voilà, exactement. Et je pense que c'est important aussi que les personnes diabétiques soient au courant qu'il y a des complications sexuelles. Donc voilà, il y a des troubles de l'érection chez l'homme, il y a des problèmes d'infection vaginale chez la femme qui sont plus régulières et tout ça, et qui peuvent amener des complications au niveau des rapports sexuels. Et donc dans ce cas-là, ben, il faut se faire aider, il faut aller voir des sexologues, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas s'enfermer chez soi et ne pas en parler. Donc voilà, il y a des professionnels, en tout cas de santé aujourd'hui, qui sont là pour pouvoir en parler. Le diabète, il vous reste très peu de temps pour contacter Mathias au 02 62 99 2000. Oui, Diane Bayeux. Ouais, juste pour compléter ce que disait Véronique, au niveau des complications sexuelles, si le diabète est mieux équilibré, ces complications disparaissent. D'accord ? Donc c'est pas irréversible. Donc voilà, c'est important que voilà les gens le sachent parce que il faut du coup mieux équilibrer son diabète et ça se passera mieux. Parlez-en surtout à votre médecin 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. Minuit se lève, en haut des tours, les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle pour quelques heures. La zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici. Entre vignerons, c'est la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets. Et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. Génération Goldman sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Il y a des petites choses qui reviennent très souvent par SMS, c'est est-ce qu'on peut manger nos gâteaux sucrés, nos gâteaux salés, etc. La pâte cochon, le rougail morue, le rougail saucisse, Diane Bayeux, diététicienne. Rassurez un peu les diabétiques. Alors, tout ce que vous avez cité, c'est tout ce qui est très bon dans l'alimentation réunionnaise. Malheureusement, bien souvent, ce qui est très bon est aussi très gras ou très sucré. Ouais. Donc oui, on peut continuer à consommer tous ces produits-là. Maintenant, c'est la fréquence à laquelle on va les consommer qui va être un peu plus espacée. Donc c'est vrai que tout ce qui est boucané, saucisse, car il a pas de cochon et tout, on va essayer de pas dépasser une fois par semaine ce type de plat. D'accord. Donc une semaine, le rougail saucisse, une semaine, le boucané. Voilà. Et de façon générale, tout ce qui est friture, là j'entends par là les samoussas, bonbons piment, mais aussi les bonbons miel et tout ça, parce que en plus d'être bonbons très sucré, cravate, voilà, c'est super bonbons gras. Gras. Voilà. Bonbon la rouroute. C'est bon, on arrête. Donc tous ces produits-là, il faut que ce soit vraiment de façon très occasionnelle, d'accord ? Un apéro de temps en temps avec quelques samoussas, pourquoi pas, en limitant vraiment sa consommation d'alcool. Et les bonbons sucrés, un dessert de temps en temps. Mais voilà, c'est des produits qu'il faut consommer avec beaucoup de modération pour pouvoir garder le plaisir de les manger en restant en bonne santé. Si on en consomme trop souvent, le diabète va être déséquilibré. Et du coup, on ne va pas pouvoir les consommer comme on veut. Voilà. Privilégier les légumes, les fruits aussi. Tout à fait, très important. Mais les fruits sont sucrés, par exemple l'ananas, les fruits de la Réunion sont particulièrement sucrés. Mais donc c'est pour ça que la quantité va aussi être contrôlée. Donc on va dire qu'on va consommer 2 à 3 fruits par jour. Donc une portion de fruits, c'est ce qui peut tenir dans votre main. D'accord ? Et on va surtout les consommer au sein des repas. Donc évitez de manger 2 tranches d'ananas en grignotage en journée parce que ça va faire monter la glycémie, monter le taux de sucre. Donc les fruits à consommer en dessert généralement ou au petit déjeuner. Les boissons alcoolisées. Alors les boissons alcoolisées avec beaucoup de modération. Beaucoup de modération. Voilà. Ouais. Et quand à l'occasion on va prendre un verre d'alcool, donc préférez peut-être le vin aux alcools forts et à la bière qui peuvent être aussi sucrés. Et les consommer toujours au sein d'un repas. Donc par exemple, il vaut mieux prendre un bon verre de vin à un repas plutôt que de prendre un whisky à l'apéro sans manger. Voilà. Le petit déjeuner du diabétique, avant de partir faire une activité physique, il faut qu'il soit de toute façon, il faut qu'il l'ait mangé au départ. Alors, effectivement, avant d'aller faire une activité physique, il faut avoir mangé. Donc, l'idéal, c'est d'avoir pris un féculent, donc du pain, des biscottes, mais aussi pourquoi pas un riz chauffé pas trop gras, rien ne l'empêche. Ouais. Un produit laitier si les personnes aiment en consommer, et un fruit et une boisson. Voilà. Oui, Bruno Turpin, éducateur sportif, c'est conseillé de bien manger le matin avant de faire l'activité physique, avant d'aller faire ces 30 minutes recommandées, notamment pour son activité. Ouais, tout à fait. Donc, on dit souvent que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. C'est vrai ? Effectivement. C'est le plus important. C'est le plus important, surtout si on va faire une séance d'activité, de sport après. Et notamment, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la personne diabétique, donc, il est recommandé, donc, quand on va faire une activité physique, d'avoir au minimum 1 gramme par litre de sang. Donc, et si on a un taux plus élevé, souvent les personnes disent je vais rien manger puisque j'ai déjà un taux élevé. Donc là, faire attention aussi si on a un taux trop élevé à l'activité qu'on va pratiquer derrière. Alors l'actualité de Diabète Nutrition, l'association, vous allez bouger pour le mois de novembre avec la marche solidaire, c'est pour le 5, le 5 novembre. Oui, voilà, Maïdis exactement. Alberto. On a une fin d'année assez chargée pour ADN, donc on est content. On est notamment demain à la fête de la Salette à Saint-Leu. Et puis en novembre, bien sûr, c'est notre rendez-vous annuel avec le 14 novembre, la journée mondiale du diabète. C'est le 14 novembre, la journée mondiale. Le 14 novembre, donc c'est une journée mondiale pour les diabétiques. Nous, on a choisi de faire une semaine carrément d'événementiel lié au diabète. Donc ça commence dès le 5 novembre avec la marche solidaire dont vous parliez, il me semble, à laquelle vous aviez participé l'année dernière. Merci, c'était l'année dernière, oui, on s'est vraiment régalé. Mais alors donc, pendant tout ce temps-là, les gens pourront s'informer sur la maladie, sur exactement. Le diabète. Exactement, on sera présent donc un peu partout dans le nord et l'est principalement, sur différents événementiels. Donc le 5, on fera une marche de Saint-André à Saint-Denis. Ouais. C'est une marche en relais. donc qui commencera au parc du Colosse à Saint-André pour se terminer au parc de la Trinité à Saint-Denis. Donc l'idée, voilà, c'est de tous participer. Ce sera assez visible puisque les gens marcheront soit sur le bord de mer, soit sur certaines parties vers la route. Et après, on sera présent, on continuera donc le 12 novembre sur Saint-Denis, au Square La Bourdonnée, pour la journée famille solidaire avec les diabétiques. Comme l'année dernière, c'est une journée assez festive avec des animations, des concerts. Ce sera aussi l'occasion de découvrir les nouveautés ADN. Et pour finir avec la fameuse journée du 14 novembre, journée mondiale du diabète, où on sera présent notamment sur Saint-Paul et au Récif pour une conférence sur le thème du stress dans la maladie, avec une intervenante qui viendra de Métropole pour l'occasion, Edith Pierre Perrault, qui sera là pour nous en parler. On en reparlera évidemment, on en fera d'autres, des émissions sur le diabète. Véronique, Christiane, donc il faut aller voir son médecin, en parler, hein, c'est ça, le dépistage aussi. Oui, ouais. C'est vraiment le plus important. Suivez les conseils. De suivre, d'avoir un suivi régulier avec son médecin traitant. C'est vraiment très important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Réunion Première, les experts du diabète, de l'alimentation et de l'activité physique. À très bientôt. Merci encore. Merci. Merci. Merci à vous. Petit Marie qui rêve, il rêve la Réunion. Petit Marie qui rêve, les sautins de béton. Petit Marie qui rêve, il rêve la Réunion. Petit Marie qui rêve, il sort d'un béton. Petit Marie qui rêve, ni décane la déan, sauf pour faire caillon, pour vivre d'un kéan. Petit Marie qui rêve, ni détac la langue, pour nous prendre ma main, maloya descend. Petit Marie qui rêve, il rêve la Réunion. Marie qui rêve, il saute dans le béton. Si Marie qui rêve, il rêve la Réunion. Si Marie qui rêve, il saute dans le béton. Si Marie qui rêve, ni décane la terre, pour nous plantes de riz, pour nous plantes de grains, même sans sa maille, pour nous guémoiser, au lexique nous dé, sans sa fin l'engrais. Si Marie qui là au Brabant, Ti Marie qui lève, où sont les animaux? Ti Marie qui lève, là au Brabant, Ti Marie qui lève, où sont les animaux? Hop, vous voyez, c'est le coup. Tip son carreau, tip piments oiseaux, tip Marie il aime, même si les gars pluie, même si soleil là, au fatigali, tip Marie qui rêve, il rêve la Réunion, tip Marie qui rêve, il saute d'un béton, tip Marie qui rêve, il rêve la Réunion, tip Marie qui rêve, il saute d'un béton, tip Marie qui rêve. Il rêve la Réunion, tu Marie qui rêve, il saute dans le béton, tu Marie qui rêve, il rêve la Réunion, tu Marie qui rêve, il saute dans le béton, il saute, il saute, ah. Thank you. simple tune that you can hum along to. I remember there was a time when I used to sing for you. Do do do do do do. Do do do do do do. Do do do do do do. I used to sing for you. Sing for you. For You, Tracy Chapman sur la première à 12h15 avec Philippe Dornier, c'est dans l'actu. Le dopage, les trafiquants dans le viseur, deux spécialistes de lutte contre le trafic de produits dopants sont en mission sur le département. L'étau se resserre autour des sportifs et de leur entourage, tenter d'y recourir. Donc on en parlera de 12h15 à 12h45. Ne manquez pas cette émission et puis alors vos réactions, surtout au 02 62 99 2000 en direct. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier. Et votre syndicat ne bouge pas maintenant. Et vous êtes majoritaire. On est habitué à ces grandes déclarations. Le problème, c'est que nous, on n'a pas de l'argent. Mais notre argent est dans la poche l'État. On veut savoir ce qu'on veut à la Réunion. On veut une belle route. On veut ceci, on veut cela. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier, du lundi au jeudi, dès 12h15, sur Réunion Première. Loto, loto, loto. Pour les 40 ans de l'auto, ce vendredi super loto exceptionnel de plus de 13 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Première. Première. Vous écoutez Réunion Première et les midi moins le quart, direction Saint-Joseph. CRC Tour, 40 ans avec le groupe CRC. Et Jean-Claude Machère, vous êtes en compagnie de celle qui gère un peu la communication du CRC, c'est Emmanuel Mussard. Oui, c'est cela même, sous un très très beau soleil à Saint-Joseph avec Emmanuel Mussard, qui m'a l'air d'être satisfaite de cette belle manifestation, parce que vous avez été nombreux depuis ce matin, eh bien tout simplement à venir nous rejoindre sur cette manifestation, vous renseigner, avoir eh bien les renseignements concernant, que ce soit votre retraite, que ce soit sur le stand du diabète où il y a eu beaucoup de monde, ainsi qu'un autre regard. Emmanuel Mussard, satisfaite, et dites-nous où nous serons demain. Oui, satisfaite de cette journée. Nous sommes déjà à plus de 350 personnes ce matin. Et donc, nous retrouvons et invitons les gens au CRC Tour demain, vendredi 17, à la ville de Saint-Louis, devant la... Alors, demain, c'est Saint-Louis. Samedi et dimanche, la manifestation continue. Vous espérez toujours autant de monde et voire même plus. Oui, on espère. Alors, je rectifie. Hein. Demain, on est le 16 septembre. Donc, on attend beaucoup de monde devant la mairie de Saint-Louis. Et samedi et dimanche? Alors samedi, nous serons au Boulodrome à Saint-Paul et dimanche pour la journée finale au Jardin de l'État. Merci à vous Emmanuel. Vous l'avez compris Claude, hein, beaucoup de monde et vous aussi qui nous écoutez. Je vous invite à venir sur cette manifestation, ça n'est pas fini, ça dure jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 16h. Voilà, jusqu'à 16h, vous avez le temps de venir vous renseigner. Comme je vous le disais, il y a une association avec des bénévoles qui sont là, c'est un autre regard. Vraiment, venez les voir, venez les féliciter pour le travail qu'ils font. Les gens arrivent parfois en hésitant, mais ils repartent avec le sourire lorsqu'ils sont passés sur ce stand. Ce n'est pas que sur ce stand, ce sont pratiquement sur tous les stands. C'est une belle invitation, une belle fête à laquelle vous êtes conviés avec Réunion Première et le CRC qui vous attend tout au long de la journée. CRC Tour, 40 ans avec le groupe CRC. Jean-Roland Miquel, c'est la première. Si madame là, il connaît rien que fait l'affaire. J'aime dans la tête, elle y aime bien bouger discothèque. Habillée en jeune fille, elle profite bien la vie. Roule son petit Sega pour que les fans touchent son tracas. Si madame là, il connaît rien que fait la fin. Tienne dans la tête, elle y aime bien bouger discothèque. Habillée en poupette, elle y en profite bien la vie. Elle y roule son petit Sega pour que les fans touchent son tracas. Allez, ta petite madame là, bayo, ta petite madame là. Ah, bétourne et virée, montre-lui comment y mettre la faya. Allez, ta petite madame là, bayo, ta petite madame là. Vas-y dans ses pilés, montre-lui comment il fait rouler ses gars. Allez, ta petite madame là, bayo, ta petite madame là. Ah, bétourne et viré, montre-lui comment il crase Maloya. Allez, ta petite madame là, bayo, ta petite madame là. Vas-y dans ses pilés, montre-lui comment il met la faya. À la palette, madame là, y'en fout pas mal. Si la piste, pas la peine, si rote pour mailler. Les danses sont tout seules, non, l'a pas besoin cavalier. Un petit coup de repas, si attention devant respect. Pas la palette, si madame là, y'en fout pas mal. Si la piste, pas la bête, si rote pour mailler. Les danses sont tout seules, non, l'a pas besoin cavalier. Un petit coup de repas, si attention devant respect. Allez, ta petite madame là, bayo, ta petite madame là. Ah, bétourne et viré, montre-lui comment y mettre la faya. Allez, ta petite madame là, bayou, ta petite madame là. Vas-y dans ses pilés, montre-lui comment il fait rouler ses gars. Allez, ta petite madame là, bayou, ta petite madame là. Ah, bétourne et viré, montre-lui comment il crase Maloya. Allez, ta petite madame là, bayou, ta petite madame là. Vas-y dans ses pilés, montre-lui comment il met la faya. Comment y mettre la faya? Allez, ta petite madame là, bayou, ta petite madame là. Vas-y dans ses pilés, montre-lui comment y fait rouler ses gars. Allez, ta petite madame là, bayou, ta petite madame là. Ah, bétourne et viré, montre-lui comment y crase Maloya. Allez, ta petite madame là, bayou, ta petite madame là. Vas-y dans ses pilés, montre-lui comment y mettre la faya. Ti madame là, il connaît rien que fait la pion. Batazé, pas la parole mania pour draguer. Elle y aime son ambiance, pour oublier toute son souffrance. Pas et dans ses pilés, ensemble mal ou amusé. Si madame là, il connaît rien que fait la pionde. gagne à pour draguer. Elle y aime son ambiance pour oublier toute son souffrance. Rasé dans ses pilés, ensemble mal ou amusé. Allez, la petite madame là, baillot, la petite madame là. A bétourner, viré, montre-lui comment y mettre la faya. Allez, la petite madame là, baillot, la petite madame là. Rasé dans ses pilés, montre-lui comment nous fait rouler ses gars. Allez, la petite madame là, baillot, la petite madame là. A bétourner, viré, montre-lui comment y crase maloya. Allez, la petite madame là, baillot, la petite madame là. C'est dans ses pilés, montre-lui comment y mettre la faya. Allez, la petite madame là, baillot, la petite madame là. A bétourner, viré, montre-lui comment y mettre la faya. Allez, la petite madame là, baillot, la petite madame là. C'est dans ses pilés, montre-lui comment nous fait goûter ces gars. Midi moins 10 sur la première, les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Décès de Madame Waraud Némorel Marie-Thérèse. Madame Waraud Némorel Marie-Thérèse, décès survenu à l'âge de 94 ans. La veillée se fait au centre funéraire sud. Décès de Madame Folliot née Leveneur. Marie-Madeleine, Madame Folliot née Leveneur, Marie-Madeleine. Décès survenu à l'âge de 90 ans. La veillée a lieu au domicile au 25. Allée des Marguerites à la Petite-Île. Le convoi sortira du domicile aujourd'hui à 15h. La bénédiction se fera en l'église de Petite-Île à 15h30. L'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Waraud Huller Jean. Monsieur Waraud Huller Jean, décès survenu à l'âge de 86 ans. Le convoi sortira de son domicile au 27 Allée des Mangues Carottes à Boisneuf-le-Coco. Aujourd'hui à 15h, la bénédiction aura lieu en l'église de la rivière Saint-Louis à 15h30. L'inhumation au cimetière de la rivière Saint-Louis. Décès de Madame Abélard Ginette Micheline Nessellier. Madame Abélard Ginette Micheline Nessellier, décès survenu à l'âge de 66 ans. La bénédiction aura lieu au centre funéraire de Prima, aujourd'hui à 14h, suivi de la crémation au centre funéraire de Prima. Décès de Monsieur Baptiste Augustin dit Tétain. Monsieur Baptiste Augustin dit Tétain, décès survenu à l'âge de 66 ans. La veillée se tient à son domicile au numéro 18. Allée des Cotonniers aux Camélias. Le convoi sortira de son domicile à 14h20 aujourd'hui. La bénédiction aura lieu aujourd'hui à 16h en l'église de Toton Rouge et l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Madame Beg, Marie-Liliane. Madame Beg, Marie-Liliane, décès survenu à l'âge de 81 ans. La veillée a lieu à son domicile au 23, chemin Carlonnette, au Plate Saint-Leu. Le convoi sortira du domicile aujourd'hui à 15h. La bénédiction en l'église du Plate Saint-Leu à 15h30. L'inhumation au cimetière de Piton Saint-Leu. Décès de Madame Lebon Marie-Claude. Madame Lebon Marie-Claude, décès survenu à l'âge de 56 ans. La veillée a lieu au domicile au 12 chemin Calbas à Saint-Joseph. Le convoi sortira du domicile à 14h15 aujourd'hui. La bénédiction à l'église du Butor à 15h. L'inhumation au cimetière de Saint-Joseph. Décès de Madame Céline Govindasamy. Madame Céline Govindasamy France, décès survenu aujourd'hui à l'âge de 89 ans. La veillée a lieu au domicile au 79 avenue François Mitterrand à Terre-Sainte-Saint-Pierre. Le convoi sortira du domicile demain à 15h. La bénédiction aura lieu au domicile à 13h. L'inhumation suivie de la crémation. Décès de Madame Téchard Danielle Annie Gisèle. Madame Téchard Danielle Annie Gisèle, décès survenu à l'âge de 46 ans. Un discours biblique aura lieu le vendredi 16, demain à 13h30, suivi de la crémation au centre funéraire de Prima. Décès de Madame Veuve Rajosefa Némayo Marie-Paulette. Madame Veuve Rajosefa Némayo Marie-Paulette, décès survenu à l'âge de 76 ans. Une veillée a lieu aujourd'hui à partir de, donc depuis 11h30 au centre funéraire de Prima. Le convoi sortira du centre funéraire de Prima demain à 14h15. La bénédiction aura lieu en l'église de la Possession à 15h, suivi de l'inhumation au cimetière de la Possession. Décès de Madame Muller Catherine, Madame Muller Catherine, décès survenu à l'âge de 62 ans, ancienne institutrice à la retraite. La veillée a lieu aujourd'hui à partir de 16h. La bénédiction aura lieu demain à 14h30, suivie de la crémation. décès de Madame Mascarel, née Barbarin Cécile Thérèse. Madame Mascarel, née Barbarin Cécile Thérèse, domiciliée à Belle-Pierre. Le décès est survenu à l'âge de 80 ans. La veillée se fait au centre funéraire de Prime. À partir de demain, vendredi 16, à 14h, la bénédiction aura lieu le samedi 17 septembre à 10h au centre funéraire de Prime, suivi de l'inhumation au cimetière de l'Étang Salé. Décès de Madame Poun, Sergine, Marie-Chantal. Madame Poun, Sergine, Marie-Chantal, décès survenu en métropole à l'âge de 55 ans. L'urne arrivera à La Réunion samedi 17 septembre. Un moment de recueillement et une bénédiction aura lieu au centre funéraire de Bois-Rouge à Sainte-Marie le 17 septembre à partir de 14h, suivi du dépôt de l'urne en colobarium du cimetière de Bois-Rouge. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Alors il y a notamment des coupures en eau potable sur la commune de Petite-Île en raison des travaux sur la conduite des hirondelles. Des coupures d'eau qui sont donc prévues pour aujourd'hui. Je rappelle les secteurs, Manabani-les-Eaux, rue de l'ancienne usine et les rues adjacentes. Donc on est sur la commune de Saint-Joseph, rue Joseph-Lacquart, chemin Bambou, chemin Chiendent. La remise en eau se fera dès achèvement des travaux, donc communiqué de la SPL sur CO. Et puis alors ce communiqué de Veolia qui informe ses clients de la commune de Saint-Pierre qu'en raison d'une casse survenue sur la conduite d'adduction des hirondelles, l'alimentation en eau est interrompue, donc pour aujourd'hui, sur Saint-Pierre, chemin Terre des Chênes, Boissy, CD3, Mont-Vert-les-Hauts, et la remise en eau est prévue à partir de 18h aujourd'hui. L'EFS qui communique pour ses collectes pour demain vendredi 16, à la place du marché à Sainte-Suzanne de 9h30 à 14h, et à la mairie annexe Les Mac, c'est sur Saint-Louis de 8h30 à 12h30. Suite à un mouvement de grève, vous n'aurez pas le journal de midi sur la première, France Info, et puis juste après 2h15, vous retrouverez Philippe Dornier pour son C'est dans l'actu spécial dopage aujourd'hui.